pris pour un petit con. On m'a pris pour un mytho. Ce que j'ai vu, c'est digne d'un baron. Comme El Chapo. Marre d'être un mauvais garçon. Aujourd'hui, je fais du vrai son. Aujourd'hui, tout le monde en mode. C'est ces guapo. Qui ramène des nouveaux flots. Qui fait pull-up. Qui ramène des nouveaux flots. Qui fait pull-up. Qui ramène des nouveaux flots. Qui fait pull-up. Qui ramène des nouveaux flots. S'il te plaît, me prends pas la tête. J'ai quelques affaires à faire. Je crois qu'il faut qu'on change. Terre. Ça paye grâce dans le jet. En vrai. Du coup j'ai pris le temps d'apprendre à ne plus perdre mon temps. Je mets le game à l'horizontale. Chérie, fais tes valises en taille. Je rêve de faire assez de bien pour balayer le mal que j'ai pu faire. Au charbon, la haisse dans la lunette. Bang, bang, bang, on a dû le faire. Mon frère, dans le crâne que la frappe et le son du Z. On y met du sens, on y met du R. M'avait pris pour un petit con. On m'a pris pour un mytho. Ce que j'ai vu, c'est digne d'un baron. Comme El Chapo. Marre d'être un mauvais garçon. Aujourd'hui je fais du vrai son. Aujourd'hui tout le monde en mode. Sensei guapo. Qui ramène des nouveaux flots. Qui fait pull-up. Qui ramène des nouveaux flots. Qui fait pull-up. Qui ramène des nouveaux flots. Qui fait pull-up. Qui ramène des nouveaux flots. Sensei guapo. Qui ramène le nouveau flow. Qui s'en bat les coups du rap. Qui veut juste mettre bien les ronds. Qu'on me le dise parce que je vois rap. Sais-tu comment j'ai soudé le bat. Ravitailler tous les schlags. Esquiver cette putain de bac. Faire dodo dans la baissoire. Et qu'est-ce que tu croyais mon gava. On est connu jusqu'à Meda. Photo par-ci, photo par-là. J'crois que j'suis dans les bails. Mec, je roule la tête. Casse de dos, mec, de mon check. Ceux qui me disent fait pour sa perche. Ceux qui m'ont donné la force. Ceux qui m'ont aidé à ne jamais lâcher. Quand dans ma tête tout s'est mélangé. Rien de grave que des cicatrices. Que tu peux voir entre la nuit qui grossisse. M'avait pris pour un petit con. On m'a pris pour un mytho. Ce que j'ai vu c'est digne d'un baron. Comme El Chapo. Marre d'être un mauvais garçon. Aujourd'hui je fais du vrai son. Aujourd'hui tout le monde en mode. Sensei guapo. Qui ramène des nouveaux flots. Qui fait pull-up. Qui ramène des nouveaux flots. Qui fait pull-up. Qui ramène des nouveaux flots. Qui fait pull-up.